Léonce Vitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Plus de 1500 Burundais ont été refoulés par les autorités rwandaises depuis quelques jours. Le ministère de l'Intérieur réfute les allégations selon lesquelles certains d'entre eux sont accueillis dans des cachots. On en parle dans ce journal. Le docteur Jamina n'y résiste encore contre sa destitution à la tête du parti Sawanya Frode Bunyakuli Iragilianda Daye. Pour lui, ce qui a eu lieu hier dimanche et comme congrès à Bujumbura n'est que de la farce, vous l'entendrez. Reportage du jour, Joseph Nsabiyabandi nous conduira en amont du pont reliant les communes de Mutao et Bugendana de la province Gitega où les champs de riz qui s'y trouvaient ont été engloutis par les eaux de la rivière Mubarazi. Et puis, c'est ce lundi que différentes autorités du pays ont rendu hommage à la dépouille de feu président Jean-Baptiste Bagaza. Les cérémonies se sont déroulées au palais des congrès de Kigobe à Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il n'y a pas eu de congrès du parti Sawanya Frode Bunyakuli Iragilianda Daye ce dimanche, mais de la farce, c'est du moins la réaction du docteur Jean Minani destitué ce dimanche même. Il indique cependant qu'il est toujours président du Frode Bunyakuli. Docteur Jean Minani accuse le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et certaines autorités du pays d'avoir financé et organisé ce congrès. Docteur Jean Minani a été joint au téléphone par Evariste Nzikobanyanga. Il n'y a pas eu de congrès du parti Sawanya Frode Bunyakuli Iragilianda Daye. Il y a eu une farce qui a été orchestrée par le parti CNDD-FDD et ses dirigeants, Pascal Nyabenda. Ça montre qu'aujourd'hui, donc, ce parti CNDD-FDD est aux abois avec ses dirigeants et qu'ils ont peur des formations politiques qui sont regroupées au sein du conseil de Sénared qui les fait peur aujourd'hui. Vous chargez les autorités du pays. Est-ce que vous avez des preuves à suffisance qui sont derrière ce congrès que vous qualifiez de pseudo? Je viens de vous dire que ces deux personnes n'ont rien pour pouvoir organiser un congrès. Ils ont eu l'argent de quelque part. Un congrès coûte entre 15 millions et 20 millions de francs. Comment est-ce qu'ils peuvent aller jeter cet argent dans un congrès? Troisièmement, des personnalités qui dirigent le CNDD-FDD ont parcouru le Burundi pour chercher des gens qui peuvent faire cette sale besogne, notamment en touchant certains membres du bureau politique. Ils ont touché certains membres du comité directeur national. Ils ont touché des présidents du parti dans les provinces en leur promettant de l'argent. Et ils leur ont donné un refus catégorique. Demain ou après-demain, ceux qui ont organisé ce congrès, que vous qualifiez de pseudo, vont remettre le PV au ministre de l'Intérieur. Et s'il en prendrait acte, qu'est-ce que vous pourriez faire? Dans notre parti et au Sénared, nous ne reconnaissons pas ce gouvernement, nous ne reconnaissons pas le ministère de l'Intérieur, du moins le ministre de l'Intérieur, qui est issu d'un gouvernement illégal et illégitime. Des élections qui n'ont jamais été acceptées. Et donc, ça serait comme si il remettait son CV au CNDD-FDD, qui est un parti concurrent au nôtre. Donc, pour nous, cet acte n'a aucune valeur ni juridique, ni légale, ni même socialement acceptable. Nous avons cherché le président du parti CNDD-FDD, un des accusés dans ce dossier, et il nous a promis de s'exprimer ultérieurement. Le Burundi est assez équipé en termes d'infrastructures de base quant aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'annonce est du ministre burundais de la communication. Alors que ce 17 mai, le monde célèbre la journée des télécommunications sous le thème « L'entrepreneuriat dans le secteur des TIC au service du progrès social ». Nestor Wang Mukunzi appelle les investisseurs à contribuer à la création d'emplois et ainsi réduire la pauvreté. C'était ce lundi au cours d'un point de presse. Cette année, une attention particulière est portée sur le thème « L'entrepreneuriat dans le secteur des technologies de l'information et de la communication au service du progrès social ». Le secteur des télécommunications, qui figure parmi les plus rentables et les plus florissants, a révolutionné notre façon de communiquer grâce à un savant dosage entre politique publique et réformes de la réglementation tournée vers l'avenir, des milliards de personnes ont eu accès dans les quatre coins du monde en un temps très court à la société de l'information. Le monde peut être fier de cette réussite. L'entrepreneuriat dans le secteur des technologies de l'information et de la communication va entraîner une véritable révolution qui aura d'importantes retombées sociales. Qu'en est-il du Burundi ? D'aucuns se poseraient la question de savoir si le Burundi est assez outillé pour profiter des nouvelles, des technologies de l'information et de la communication. La réponse est affirmative. Cependant, sur le plan des capacités humaines, nous avons encore besoin des compétences spécialisées des entrepreneurs, de leur sens d'innovation et de l'investissement pour atteindre notre objectif de développement socio-économique durable. Je vous le disais en titre, les champs de riz situés en amont du pont reliant les communes de Bugendana et Mutaho dans la province de Gitega sont engloutis par les eaux. Selon les agriculteurs qui ont perdu leurs champs, la cause est ce pont même qui bloque les eaux de la rivière Mubarazi, ce qui est confirmé par l'administration de la commune de Bugendana. C'est un reportage signé Joseph Nsabiyabandi. Nous sommes au rive de la rivière Mubarazi, tout près du pont qui relie les communes Mutaho et Bugendana de la province Gitega. En amont du pont, les champs de riz ont été engloutis par les eaux de la rivière. Les champs ont fait place à des flaques d'eau énormes. Liberat Gakobwa, qui a perdu ses champs dans ses eaux, indique que la construction du pont reliant les communes Mutaho et Bugendana est à l'origine de l'envahissement de leurs champs par les eaux de la rivière. Ce que vous voyez là-bas, ce sont des plantations de riz inondées par les eaux de la rivière Mubarazi. Nous constatons que la cause de tout cela, c'est la construction de ce pont sur cette rivière. Ceux qui ont construit cette route Gitega-Ngozi avaient échoué de construire ce pont. Ceux qui ont réussi ont mis des moellons dans la rivière, ce qui bloque les eaux de la rivière. Les eaux bloquées forment un petit lac en amont du pont. La rivière ne coule plus. Si on l'avait su, on aurait planté les cultures loin du lit de la rivière, se plaint M. Audace. Même les champs situés au pied des collines ont été atteints. Chaque fois, on se plaint que si l'on avait su qu'on n'aurait pas dû planter le riz tout près de la rivière. Le lit de la rivière ne cesse de s'agrandir parce que l'eau ne coule pas. À une moindre pluie qui tombe, toujours les dégâts. Vous voyez vous-même que la rivière ne coule pas. Liberat Gakobwa demande que les eaux de la rivière Mubarazi soient débloquées. Nous souhaitons qu'on enlève les moellons qu'on a mis dans la rivière, parce qu'à la prochaine saison des pluies, la rivière causera les mêmes dégâts. Maintenant, nous ne pouvons plus planter nos cultures dans les marais. Nous demandons que les gens qui ont bloqué les eaux de cette rivière viennent les débloquer. Côté administration, l'administrateur de la commune de Bugendana reconnaît que la construction du pont a bloqué les eaux de la rivière. Bukuru Béatrice indique avoir déclenché la requête d'indemnisation de la population. À vrai dire, de fortes pluies sont tombées, mais les experts l'avaient prédit. Mais la construction du pont au-dessus de la rivière a causé des ennuis aux agriculteurs de la localité. Le pont a bloqué les eaux de la rivière, nous l'avons constaté, avec ceux qui ont gagné le marché de faire le contrôle sur la construction du pont. L'affaire a été soumise à l'échelon supérieur pour que la population soit indemnisée. Nous attendons la réponse et nous continuons à suivre de près cette affaire. Tout ce que nous souhaitons, c'est que les eaux de la rivière puissent couler comme avant. La commune de Bugendana déplore plus de 1000 ménages qui ont perdu leur champ de culture dans différentes inondations qui ont frappé cette commune. Différentes autorités du pays ont rendu hommage ce lundi à la dépouille de feu président Jean-Baptiste Bagaza. Les cérémonies se sont déroulées au palais des congrès de Kigobe où siège l'Assemblée nationale. Des Burundais présents dans les dites cérémonies se rappellent également d'un homme du pays qui devrait servir de référence. Blaise Célestin Ndéokougaïo s'y est rendu. Ce son de trompette que vous entendez, c'est quand la dépouille mortelle du feu président Jean-Baptiste Bagaza venait d'arriver à l'hémicycle de Kigobe où les différentes autorités du pays étaient présentes pour se recueillir devant son corps. Après le président de la République, les autres dignitaires du pays se sont succédés comme le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, les hauts gradés de l'armée et de la police, quelques membres du gouvernement, les ambassadeurs et d'autres corps diplomatiques accrédités à Bujumbura, les membres du parti Parrainage fondé par Jean-Baptiste Bagaza et les représentants de quelques partis politiques agréés au Burundi. À la fin de ces cérémonies et de recueillement, il y a un citoyen qui nous a dit qu'il garde du sénateur Bagaza, ce qu'il garde du sénateur Bagaza. Il a bien dirigé le pays et puis il a développé le pays, c'est ce que je garde de lui. Bon, il n'y a pas eu donc des problèmes qui se sont passés sous d'autres régimes, par exemple sous la Première République ou sous la Troisième République. Chez lui, tout le monde vivait dans la paix et pensait à se développer pour entrer. Même le président actuel du parti Parena a indiqué qu'il est satisfait de ces cérémonies organisées par le gouvernement pour dire adieu à l'illustre disparu. Le président Nkurunziza a toujours dit haut et fort qu'il avait beaucoup d'estime au président Bagaza. Il avait dit à la population, à certains chefs d'État même et à lui-même, donc qu'il organise une fête nationale pour lui, ça ne nous surprend pas. Je n'ai pas de preuves qu'il avait attesté qu'il soit enterré à Rutovu. Je n'ai pas vu le testament. Mais les uns et les autres avaient entendu qu'il aurait souhaité être enterré chez lui, dans sa parcelle à Rutovu. Vous saurez que l'enterrement est prévu ce mardi dans sa parcelle située sur la colline Vugizo. Était présente aussi dans ses cérémonies et de recueillement ses filles et son épouse. Merci Blaise Célestin Diokougaï. Le parti Radebou qui a participé aux élections de 2015 dans la coalition COPA compte demander au cours de la prochaine séance de dialogue à Arusha en Tanzanie que l'État garantisse la sécurité aux Burundais qui sont en exil et pour qu'ils puissent rentrer au pays. Propos de Jean de Dieu Mutawazi qui a été invité pour le compte du parti Radebou et de la coalition COPA. Pour lui, cette séance ne doit pas être une occasion pour l'opposition de demander qu'il y ait un gouvernement de transition suivant. Au micro d'Oban Niomour. Nous demandons à l'opposition radicale d'abandonner l'illusion de profiter du dialogue inclusif pour accéder au pouvoir. Parce que nous aussi, nous ne sommes pas au gouvernement ou au Parlement. Nous n'irons pas à Arusha pour essayer de profiter de cela pour entrer au gouvernement ou dans les institutions. Nous voulons que lors de ce dialogue à Arusha qui aura lieu du 21 au 24, nous puissions l'inscrire uniquement dans la logique de bien préparer les élections de 2020. Nous exigeons aussi de l'opposition radicale de consentir que les putschistes du 13 mai 2015 et leurs alliés soient poursuivis devant les juridictions nationales et internationales. Nous avons exigé aussi de la part de l'opposition radicale d'abandonner tout recours à la violence pour faire des revendications de nature politique. Si l'opposition radicale abandonne la violence, le gouvernement pourra mettre en œuvre tout pour amener la sécurité et automatiquement il y aura une sorte d'accalmie. Enfin, nous allons demander à ce que le gouvernement mette tout en œuvre pour rassurer et garantir la sécurité des membres de l'opposition radicale qui auront abandonné la violence, de revenir au Burundi en vue de poursuivre le dialogue inter-burundais. Jean de Dieu Mutawazi, président du parti Radebou et de la coalition COPA. Plus de 1500 Burundais qui vivaient au Rwanda ont été refoulés et sont accueillis dans les provinces du nord du pays. Ces chiffres sont confirmés par l'assistant du ministère de l'Intérieur, Terence Nahiraja. Toutefois, il réfute les allégations du coordinateur de l'Association des volontaires pour la défense des droits des prisonniers, selon lesquelles certains refoulés sont emprisonnés parce qu'ils n'ont pas de papier. Il a été joint au téléphone par Marie-Ange Nzeiman. Dans la province de Kirundo, jusqu'à hier soir, l'administration avait déjà reçu 1310 expulsés en provenance de la République du Rwanda. En province de Ngozi, c'était au nombre de 218 et au total, jusqu'hier soir, les expulsés en province du Rwanda étaient au nombre de 1528. Je profiterai aussi de cette occasion et le gouvernement. Tout informé que le gouvernement est en train de recevoir les Burundais qui sont expulsés en vue de pouvoir les aider. Mais malheureusement, il y a certaines organisations de société civile qui commencent à répandre des mensonges. En l'occurrence, l'Association des volontaires pour la défense des droits des prisonniers ABDDP, représentée par M. Jean Naya Bagabo, les rapatriés qui sont expulsés sont emprisonnés et ont eu des difficultés dans les différents cachots. Il y a même cité un nombre de 43, ce qui n'est pas du tout vrai. L'Association des volontaires pour la défense des droits de l'homme et des prisonniers en particulier fait savoir qu'il n'a rien menti en ce qui concerne l'emprisonnement de certaines personnes refoulées emprisonnées dans différents cachots du nord du pays. Jean Naya Bagabo, coordinateur régional de cette association, cite même certains exemples des gens qui sont encore emprisonnés. Suivez. L'association AVDP reste sur ses propos. Nous informons, comme nous l'avons dit hier, que certains Burundais refoulés sont emprisonnés parce qu'ils n'ont pas de papier. Nous avons des exemples sur nous. Le nommé Niyonkuru Eric de la province de Kayanza, le nommé Ndouaye Télésor de la province de Kayanza, également Sengiyumva Isaac, originaire d'Ngozi, Nsabiman Ernest de Makamba, et Manirakiza Dieudonné de la province Ngozi ont été refoulés du Rwanda le 10 mai, mais jusqu'à présent, ils sont toujours emprisonnés au cachot de la police dans la province de Kirundo. Le nommé Changela Eric était emprisonné au cachot de la police de la province Ngozi. Il est en train d'être acheminé vers chez lui. L'association AVDP est en contact avec tous les concernés pour que ces personnes détenues soient libérées. Mais il y a plusieurs personnes qui passent par Nega. Elles ne sont pas inquiétées. Elles sont conduites chez elles en toute tranquillité. Le coordinateur de la VDP a été traduit en français par Évariste Nzikobanyanga. Une brève internationale avant de clore ce journal. Les frontières entre le Sénégal et la Gambie sont encore loin d'être rouvertes. Si Dakar souhaite que le blocus qui dure depuis 3 mois soit levé rapidement, il faudra avant tout de nouvelles discussions, autant avec les autorités gambiennes qu'avec les transporteurs du Sénégal. Les deux pays ne s'entendent que sur un point, à savoir la nécessité d'instaurer un véritable dialogue. Les deux pays ont discuté ce dimanche. La délégation de Banjul exigeait une réouverture immédiate, mais elle n'a pas obtenu gain de cause. Les discussions d'hier n'ont aboutit à un simple procès-verbal dans lequel il est indiqué que les 11 points abordés, notamment la réouverture des frontières, la construction du pont sur le fleuve Gambie, la coopération judiciaire ou encore la pêche, devront être à nouveau négociés. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitewouti pour la parfaite collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir. Léonce Huitaliho.